بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسن فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فنبدأ في هذا اليوم بإذن الله عز وجل في هذه الدروس في مناسك الحج والعمرة في ضوء الكتاب والسنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. طهمونيخ ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمرو 9. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخذنا أمس ونتعرفي حكم المبيت في مزدلفة هكذا ثم يمكث في مزدلفة. قال حفظه الله تعالى، قال: وإذا غربت الشمس توجه الحاج دافعا إلى مزدلفة بسكينة وهدوء. Donc après avoir passé la journée à Arafa jusqu'au Maghreb, et on a expliqué Ams tout ce qui est lié avec Arafa en détail, وَلِلَّهِ الْحَمْدِ. فَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسِ تَوَجَّهَ الْحَاجِ. Donc الحاج, celui qui accomplit le Hajj, il se dirige l'an après que le soleil soit couché, et il ne fait pas le Maghreb l'an. Là, il se dirige direction Muzdalifa. Bisakina wa hudu, avec calme. Wala yuzahim al-nas. Wala yarfa sawtah bila haja. Et il continue à dire at-talbiya bien sûr. Et yasbir ala ikhwani. Wa yansah. Man istata' nusha. Et هكذا سكينة وهدوء. السكينة سي مهم، خاصة لرassemblement مثل هذا الجمع العظيم دي مليون بيرسون، فلا بد من السكينة والهدوء. قال: ولا يزاحم الناس، فإذا وجد خلوة أسرع. نعم، اي السنة سي كسي اي بو اي اي اكتيف لو با. وهذا في الحقيقة à notre époque c'est très difficile. كما نبه على ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. لأن الآن avec les voitures, avec les cars, avec les bus, etc. ربما t'as du mal à avancer, à marcher. فمن باب أولى que tu marches plus vite ou tu trottines. لكن من استطاع فلهذا قال: فإذا وجد خلوة أسرع. قال: ويؤخر صلاة المغرب. صلاة المغرب ce jour-là. Al-an, on est le 9e jour. On a fait Arafa. Le Maghreb, la nuit du 10e jour, elle commence. Enfin, ce Maghreb de la nuit du 10e jour, Al-an, tu ne le fais pas à Arafa. Là, tu le repousses. Qala wal-isha. Donc, tu vas faire ce Maghreb, tu vas le repousser avec l'isha. Qala hatta yati al-muzdalifa. فَيُصَلِّيهِمَا فِيهَا جَمْعَ تَأْخِيرِ. Donc, tu retardes le Maghreb, tu le laisses pour le faire جَمْعًا, et ensemble avec Salat l'Isha, à Muzdalifa. C'est ça, As-Sunnah. قال فيصليهما فيها جمع تأخير فإن خشي أن يتأخر إلى بعد نصف الليل صلى في الطريق. نعم. لأن وقت صلاة العشاء سيجسك نصف الليل. Si la peur du zihan ou autre cause, il arrive à Muzdalifa après nosf al-layl, il fait al-maghrib, salat al-maghrib, ou al-isha fi al-tariq, avant d'arriver à Muzdalifa. Si il voit qu'il va arriver à Muzdalifa et il y a encore le temps pour salat al-isha, il fait al-maghrib ou al-isha à Muzdalifa. قال فيصليهما فيه فيها جمع تأخير فإن خشي أن يتأخر إلى بعد نصف الليل صلى في الطريق أو في عرفة. نعم أهم شيء في الصلاة تصاص مستحب. قال ثم يمكث تلك الليلة بمزدلفة حتى يصبح يصلي الفجر مع الإمام. نعم donc la nuit du 10e jour de Dhul Hijjah, la nuit qui précède le jour du Eid, cette nuit, Al-Hujjaj, ils sont à Muzdalifa. Wa dalil ala hadha hadith Jabir radiyallahu anhu, qala falam yazal waqifan, ay sallallahu alayhi wa sallam, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, fi arafa, falam yazal waqifan, ay fi arafa, hatta gharabat al-shams, wa dhahabat al-sufra qalilan, hatta ghab al-qurs, القرص ودفع القرص الشمس القرص عن ديسك أي لسولي هنا ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة هذا لكونسي جبخفة عليه الصلاة والسلام ذلك اليوم قال للناس أيها الناس السكينة السكينة لأن زحام يجمون يدي بيرسنزاجي يدي زنفان يدي فام اكسترا فالسكينة سي مهم. Ne te précipite pas dans des endroits où il n'y a pas besoin de se précipiter. Léana, si tu respectes Sunnah al-Ant et Arafah, la nuit elle vient de tomber, le soleil vient de se coucher, tu prends direction Muzdalifa. Bis-sakina wal-hudu, tu vas arriver à Muzdalifa avant Nusfallay. Inch'Allah ta'ala. Dès que tu arrives, tu fais Al-Maghrib ou Al-Isha, Jam'an. Qal hatta, toujours Kalam Jabir radiyallahu anhu, Sahih Muslim, hatta idha atta المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. نعم donc السنة في صلاة الجمع أذان pour les deux salat et chaque salat son إقامة. قال ولم يسبح بينهما شيئا. نعم il fait pas de nawafil entre les deux. Il fait le maghrib 3 raka directement, il sallam directement, il se lève, ils font l'إقامة et ils font العشاء et ils font العشاء. نعم مسألة الآن وديتاي قليلا هذا هذه المسائل. قم يا مسألة من فاته الجمع مع الإمام فهل يجمع منفردا؟ Et ça, ça arrive. ربما tu arrives à Muzdalifa, ils ont déjà fait le jama'a. Si tu trouves une jama'a, فلا إشكال, tu fais avec eux. أي on répète المغرب والعشاء. Si tu trouves pas de jama'a, قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمة الله عليه في المغني قال يجمع منفردا كما يجمع الإمام ولا خلاف في هذا لأن الثانية منهما تصلى في وقتها. نعم donc que tu sois avec l'imam ou tout seul tu fais le jama. لماذا؟ لأن المغرب tu l'as retardé. قدر أن المغرب مثلا il est à, هناك مثلا il est à 6h du soir. أنت à 6h du soir t'es parti de عرفة. T'arrives مثلا قدر أن t'arrives à 21h ou 22h. Quand tu arrives, c'est waqt al-isha. Là, chaque que tu dois faire le jam'a, tu dois rattraper le maghrib que tu n'as pas fait, tu le fais, et ensuite tu fais l'isha, et en al-isha, il est à son heure. Enfin, que ça soit avec l'imam ou munfaridan, comme a dit l'imam Ibn Qudama, rahmatullah alayhi. Donc, as-sunnah, c'est le jam'a. Et quand on dit, on a retardé le maghrib, c'est pas, il ne faut pas comprendre, si tu peux le faire à l'heure, tu le fais à l'heure. Là, as-sunnah, c'est de le retarder. As-sunnah, c'est de le faire avec l'isha, fi Muzdalifa. Enfin, on respecte cette sunnah. ثم يمكث في مزدلفة أي الحاج donc il a fait المغرب والعشاء il arrive à مزدلفة فيمكث أي يجلس هناك ينام هناك قال يذكر الله تعالى ويستحب له أن يحمد الله ويكبره ويهلل ويوحده ويدعوه ولا يزال كذلك حتى يشتد الضوء. نعم. Donc il reste في مزدلفة et passe la nuit هناك. سيأتي معنا أن السنة c'est un nom كذلك, أنه il doit dormir pour se préparer pour le lendemain. لكن quand il arrive là, بس il fait du ذكر toujours التلبية et دائما التهليل etc. يذكر الله سبحانه وتعالى والحذر الحذر هناك من كذلك on répète souvent من الجدال والقيل والقال والكلام الفارغ لأن c'est un جمع كبير et ربما tu trouves des personnes ils n'ont pas de عناية بالسنة بالعلم الجهل ils connaissent pas ces choses فربما يبيتون هناك toute la nuit et يتكلمون كلام il a pas de فائدة لا tu fais du ذكر tu fais du دعاء etc. التلبية ثم تدور كما سيأتي كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لأن la journée d'après c'est la plus longue c'est la plus difficile من حيث الأعمال la journée d'après كما تعلمون يغى الرمي يغى الحلق والتقصير قبل ذلك يغى الدبح يغى الطواف يغى السعي tout ça dans la même journée فcette journée elle a besoin de que tu sois en forme فلهذا من حكمة هذه الشريعة من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه شرع المبيت في مزدلفة avant la journée du عيد حتى تغبوزي et tu fais les menaces qui te manquent à la راحة أما ceux qui perdent leur temps cette nuit ils se reposent pas وكثرة الكلام ربما il arrive la journée et il a beaucoup d'amal à faire ربما il perd son sang froid لماذا لأنه il est pas reposé c'est un être humain ربما il se précipite il délaisse des sunan لأنه il est fatigué c'est un être humain ربما il s'énerve très vite ربما etc. هذا فالسنة on répète فيها بركة فon respecte هذا الترتيب et on respecte هذه السنن بقدر المستطاع كذلك أن si toi t'as pas envie de dormir ou tu décides de faire autre chose ne gêne pas tes frères il y a des personnes âgées il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des adultes, il y a etc. بعضهم, il n'a pas la force que tu as toi. Toi, ربما, tu peux patienter, tu peux... أما بعضهم, là, il faut qu'il dorme. فالسكينة والهدوء. Si tu ne dors pas, fais du ذكر. Ou si tu révises le manasik. C'est طيب, كذلك, si tu as un peu de temps, tu révises les أعمال du lendemain. Il y en a le lendemain, tu auras الرمي, tu révises, tu auras... الحلق والتقصير تغى النحر تغى الطواف تغى السعي etc. فهذا si tu prends du temps pour lire ou écouter ou réviser فتمام تمام مع ذلك on conseille de te, que tu te reposes لكن si tu fais le choix et tu sens que tu as la force فلا بس لكن tu gênes pas les autres tu gênes pas les autres بالكلام بالضحك برفع الصوت etc. خاصة تعلمون أن بعض الناس surtout les vieilles personnes ربما إذا قام من الليل il peut plus redormir s'il se fait réveiller خلاص il peut plus dormir et ça le rend malade ربما il a mal à la tête etc. هذا لا ينبغي لا ينبغي مسألة حكم المبيت الآن c'est quoi le حكم de passer la nuit à مزدلفة العلماء الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة ils ont plusieurs أقوال et tu peux résumer ces avis en trois قول يقولون أي بعض الفقهاء أن المبيت المبيت c'est passer la nuit ركن من أركان الحج وبعضهم ils disent que c'est un ركن c'est un pilier deuxième قول ils disent que c'est واجب troisième قول ils disent que c'est une سنة قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه ولكن القول الوسط أحسن الأقوال أنه واجب يجبر بدم وهو المذهب نعم إسساء الصحيح والله تعالى أحلم شيخ ابن عثيمين قال أن الصحيح كسي واجب سيبا ركن وكذلك سيبا une سنة أي recommandée أي si tu passes pas la nuit à Muzdalifa فلا شيء عليك لا Le qawl sahih, c'est entre les deux, c'est que c'est wajib. Amma qawl shaykh ibn Uthaymeen annahu, celui qui passe pas la nuit, fa yajbur dhalika bidam, il doit égorger une bête et distribuer l'argent aux pauvres de Mecca. Fa hada kadhalik, il y a un khilaf, ala kulli had, celui qui le fait la yunkar alayh, Et celui qui passe pas la nuit à Muzdalifa, fayatoub ila Allah wa yastaghfir. Li'annahu ila khalif amr an-nabi alayhi salatu wa salam. الدليل على الوجوب تقدم معنا الحديث تذكرون الأمر بالوقف بالوقوف في عرفة نعم ونعفي دي ولو وقت يسير في الحقيقة ستميديد بيان سو حديث celui qui vient en retard مثلا on va te donner une sourate pour que tu comprennes حكم المسألة celui qui vient en retard on a dit أمس s'il arrive même juste avant le Fajr دالي عرفة صن حج إلى صحيح نج تذكرون هذا أنت الآن مزدلفة si une personne قدر elle est venue en retard elle arrive à aller juste avant le fajr à عرفة on a dit c'est صحيح ثم le fajr l'heure du fajr elle arrive est-ce qu'il a passé la nuit à مزدلفة là là il est venu en retard il a réussi aller à Arafah. Hada son hajj il est sahih. Ça montre que c'est pas un rukn. Ça serait un rukn Muzdalifa, son hajj il serait pas sahih. Il serait obligé, il aurait été obligé de faire au moins quelque temps à Muzdalifa. Fahada wallahu ta'ala a'lam. Andur Fath al-Allam al-Mujallad al-Thalith safhat 159, il a cité cette mas'ala avec plus de détails. قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ومن الخطأ ما يقوم به بعض الحجاج حين وصولهم مزدلفة من لقطهم الحصى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلقط له الحصى إلا بعد انصرافه من مزدلفة إلى منى تنبيه مهم في هذا الوقوف مزدلفة c'est une grande place بعض الناس Il pense que c'est sunnah de prendre al-hasa et les petites pierres que tu vas avoir besoin le lendemain pour jamrat al-aqaba. Et ça, en réalité, il n'y a aucun délit. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba, ils ont passé la nuit à Muzdalifa et ils n'ont pas ramassé les pierres. Là, les pierres, tu les ramasseras quand tu approches de jamrat al-aqaba comme ça y est. Thumma, ba'd dhalik, ou un autre tambih, qala, waffaqahu Allah, الشيخ محمد بن حزام وهو من واجبات الحج أي الوقوف في مزدلفة تقدم الدليل وانا vu qu'il y avait un خلاف بين أهل العلم تستفيد من الخلاف كذلك أن على قول que c'est un ركن أي c'est un قول il est قوي c'est un قول il est قوي معهم أدلة etc لكن نحن voit que الأقوى c'est الثاني والله أعلم لكن على صحة القول الأول c'est un ركن Ah, tu ne peux pas le délaisser. À la kulli hal, écarte-toi min hada, akhi al-karim. Que ça soit une sunna wajib ou rukn, t'assiste. Comme ça, alhamdulillah, ton but, anta, c'est que ton hajj soit sahih, tam. Tu reviens ka yawma waladat ka ummuk. C'est ça le but. قال وهو من واجبات الحج أي الوقوف بمزدلفة إلا أن الضعفاء من الشيوخ والنساء والصبيان ومن قام عليهم les vieux les enfants les femmes الضعفاء ceux qui sont malades بعض الناس il est malade il ne peut pas passer la nuit dehors لأن مزدلفة الآن t'es dehors فهؤلاء qui ont des faiblesses ومن قام عليهم et ça c'est important ceux qui les accompagnent Robbama, tu es avec ta mère, et ta mère, c'est une vieille personne. En taf, il y a des hal, tu vas l'accompagner. Tu ne restes pas jusqu'au fajr. Qala lahumu dav'a. Ay, al-ittijah, yatawajjahoun ila mina. Min muzdalifa qabla tulu' al-fajr fi thulut al-akhir min al-layl. Et ça, c'est une rukhsa. Min al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et on va citer les adillah. Fahaoula, il l'aurait permis après le deuxième tiers de la nuit de partir avant le Fajr de partir direction Mina pour éviter le grand nombre de personnes qui va partir après le Fajr. قال حتى يسلموا من حطمة الناس وازدحامهم كما جاء ذلك في الأحاديث ولهم أن يرموا الجمرة حين يصلوا إلى منى. Et ça كذلك c'est un tarkhis. Et ça montre que هذه الشريعة est fondée sur al-yusr. هذا الدين إلى يوسف فهؤلاء c'est simplifié pour eux ils partent avant le Fajr ils arrivent à Mina avant tout le monde Donc, Jamrat al-Aqaba, c'est vide normalement. Et, Yarmoun, Tumma, ils vont se reposer. Hada, c'est un tartib tayyib. Ala hada, on doit respecter nahnu hada. Les nasa, c'est une rukhsa pour faciliter à haoula. Ma balouk, si tout le monde part avant le fajr. Awalan, c'est mukhalafat sunnah. C'est wajib de rester jusqu'au fajr pour celui qui n'a pas d'excuse. Thanien, tu vas faire du mal à ceux qui sont excusés. وهذا لا يجوز dans notre din. للأسف بعض الناس الآن كثرة الجهل يpass à Muzdalifa. Un passage فقط. Il reste pas les deux derniers tiers de la nuit comme on a dit là. Et il a aucune excuse. وبعضهم ils font même plus le passage. Directement ils vont à Mina. Ils passent même pas par Muzdalifa. Et là c'est un khata kebir. Il y a plusieurs hadiths qui montrent que al-du'afa, ils ont le droit de quitter Muzdalifa après les deux tiers de la nuit avant le fajr. Hadith ibn Abbas, fi al-sahihayn, radiyallahu anhuma, qala ba'athani rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi al-thiqal, ou qala fi al-du'afa min jam'in, ay Muzdalifa. Vilay ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit de prendre des personnes qui étaient du'afa, rubbama de ses proches, et il leur a dit de partir la nuit, et de ne pas attendre al-fajr. Ça, c'est un délil. Kadhalik hadith Aisha, radiyallahu anha, qalat, ista'danat sauda, rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, laylat al-muzdalifa, tadfa' qablahu wa qabl hatamatin nas. فَأَذِنَ لَهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ كَذَلِكَ سَوْدَا a demandé la permission au prophète عليه السلام, de partir avant le fajr. النبي صلى الله عليه وسلم il lui a donné l'autorisation. كَذَلِكَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ أَسْمَى بِنْتَ أَبِي بَكْرَ الصَّدِّيقِ رضي الله عنهما كانت تنظر أو تنتظر حتى إذا غاب القمر فدفعت. Et ça, ce athar il est important, il te montre الوقت pour partir. وبعض الفقهاء dans les livres quand ils expliquent manasik al-hajj كثير منهم ils citent نصف الليل après la moitié de l'année. لكن حديث أسماء هذا qu'on vient de citer فيه حتى غاب القمر jusqu'à que la nuit elle disparaît. On est la dixième nuit là, la dixième nuit de الحجة. قال شيخ ابن عثيمين وغروب القمر يكون في الليلة العاشرة بعد مضي ثلثي الليل تقريبا. Et ça, c'est tayyib. Ça nous donne un moment précis. فَلِهَذَا الشيخ محمد بن حزام وَفَقَهُ اللَّهُ il a dit qu'on part, ou ceux qui ont une excuse, ils peuvent partir après les deux tiers de la nuit. Après les deux tiers de la nuit. Il s'est basé sur هذا. الشيخ ابن عثيمين يقول بعد مضي ثلثي الليل تقريبا وقد يزيد قليلا وينقص قليلا. نعم. باب الاجتهاد المعروف. Dans ce genre de choses, on n'est pas à la minute près. لكن تقريباً après les deux tiers de la nuit. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد قال والذي دلت عليه السنة إنما هو التعجيل بعد غيبوبة القمر. ابن القيم il te montre c'est quand الضعفاء ils peuvent quitter مزدلفة. قال بعد غيبوبة القمر لا نصف الليل وليس مع من حده بالنصف دليل والله أعلم. صحيح. ceux qui ont dit après la moitié de la nuit, il n'y a pas de dalil ala hada, wallahu a'lam. Donc, le qawl sahih, c'est que al-du'afa, c'est wajib alayhim. Al-an, l'wujub, Muzdalifa, c'est pour tout le monde. Al-du'afa, ceux qui ont une excuse, que ce soit les vieux, les malades, etc., ils ont une rukhsa de partir, de faire que les deux tiers de la nuit. Le dernier tiers, et avant le fajr, eux, ils sont déjà partis. Amma, ceux qu'ils n'ont pas d'excuses, qu'ils ne font pas partie de du'afa. فقال الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء البيان قال والأظهر عندي في هذه المسألة هو أنه ينبغي أن يبيت إلى الصبح. صحيح. C'est ça. الواجب, celui qui n'est pas dans les personnes excusées, il reste jusqu'au صبح. قال لأنه لا دليل مقنعا يجب الرجوع إليه مع من حدد بالنصف الأخير. Ça te montre l'importance de revenir au dalil, au burhan. L'imam Shankiti, rahmatullah alayhi, c'est alim min ulama sunnah. Et il te montre qu'il n'y a pas de dalil muqni'a. On peut partir après nusf al-layl, comme c'est cité dans beaucoup de kutub et de rasail. Là, le wajib, c'est de rester jusqu'au subh. Ceux qui ont une excuse, quand la lune, elle disparaît. قال مع من اكتفى بالنزول الى ان قال ولا خلاف بين العلماء ان السنه انه يبقى بجمع بجمع مزدلفه حتى يطلع الفجر et ça c'est un كلام جميل t'en auras besoin اخي الكريم pour beaucoup de مسائل تامل قوله ولا خلاف بين العلماء ان السنه انه يبقى بجمع اي بمزدلفه il y a aucun خلاف entre les ulama que c'est mieux de rester jusqu'au fajr. Il y a un khilaf, Bardoum, ils disent que c'est obligatoire. Bardoum, ils disent que c'est pas obligatoire. Tu peux partir après la première moitié de la nuit. Al-An, est-ce qu'ils sont tous d'accord qu'on peut rester jusqu'au Fajr? Sans aucun doute, na'am. Donc, applique. Hatta tu sors, mais il y a un khilaf. T'as aucun doute. Mathalan, deux personnes. Un frère, il reste jusqu'au Fajr. Un deuxième frère, il reste jusqu'à minuit. Est-ce que celui qui restait jusqu'au Fajr, il a un doute? Qu'il a fait le mukhalafa, abadan, il est resté jusqu'au fajr. L'unanimité des savants que c'est tayyib, c'est mustahab. Est-ce que celui qui est parti, montasafalay, est-ce qu'il a un doute? Naam, si on lui cite tous ses aqwal, naam qu'il aura un doute. Naam. Enfin, pour sortir des doutes, tabak les choses claires. Khas satan, t'es parti que pour ça. Khas satan, c'est qu'une nuit. Khas satan, il y a ajr azim. Khas satan, le prophète, sallam, il a fait hakada. أما ceux qui ont une excuse فالشريعة رخصت لهم يبقى les deux derniers tiers de la nuit c'est ça صحيح ثم قال حفظه الله ومزدلفة كلها موقف فحيثما وقف الإنسان أجزأه لحديث جابر في صحيح مسلم حديث جابر celui qui revient avec nous souvent الحديث الطويل قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفت ها هنا وَجَمْعٌ كُلُّهَا مُوْقِفْ جَمْعٌ أَيْ مُزْدَلِفَ Donc, ça c'est un rappel, où que tu sois fait Muzdalifa, tu es considéré avoir appliqué cette sunna, avoir passé la nuit à Muzdalifa. Il n'y a pas un endroit précis. Il n'y a pas un endroit précis où rester. Tu es à Muzdalifa, tant que tu es à Muzdalifa, dans le périmètre Muzdalifa, Inch'Allah, تفس كيف عليه فعل. قال الشيخ عبد المحسن حفظه الله وتعرف مزدلفة في هذا الزمن بوجود علامات كتب عليها مبتدا مزدلفة وبوجود الأنوار القوية الإضاءة في أرض مزدلفة. نعم. C'est comme Arafah. Comme on a expliqué hier, il y a des panneaux, il y a des lumières. Au pire des cas, أخي الكريم, habitue-toi à demander. Tu perds rien. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Tu vois une personne qui est à la khair, tu lui demandes, c'est au Muzdalifa. Khasatan, les gens qui sont de là-bas. Si tu vois un Saoudien, il y a Kathir ibn Abdullah, ils sont propagés là-bas pour montrer aux gens. Enfin, tu lui demandes. Tu lui demandes, et Huma, ils ont l'habitude. Huma, ils ont l'habitude. Et il va te montrer, c'est où que ça commence, c'est où que ça s'arrête. Elle m'a passé la nuit, ou la moitié de la nuit. Tout le monde, tu te poses des questions, là. Et fil haqiqa, où qu'il y a tout le monde, où. C'est Muzdalifa. Lakin, quand tu t'écartes trop, tu te retrouves tout seul dans un endroit. Pose-toi des questions. Et ça ne veut pas dire que si tu es tout seul, tu n'es plus à Muzdalifa. Là, on dit ça pour celui qui a des doutes. Il y en a Kathir ibn al-Nas, et tu le vois là, tu retrouves dans les fatawa de Ahlul Ilm concernant le Hajj. Kathir ibn al-Nas, il se pose des questions, il pose la question au savant. J'étais à cet endroit, est-ce que j'étais à Muzdalifa? J'étais à cet endroit, est-ce que ça fait partie de Arafah? Lakin se pose la question bien après. Amma, s'il n'était pas à Arafah, enfin, c'est une musiba. Son Hajj, il est batil. S'il n'est pas Muzdalifa, enfin, ça dépend le hukm de Muzdalifa, si c'est wajib, enfin, t'as manqué un wajib, si c'est un rukm, kadalik, c'est pas simple. C'est un tambih pour qu'on se pose des questions avant. On prend cette habitude. Un autre tambih, laysa al-maqsoud, inda ahl al-ilm, bi ijab al-mabit, annahu yalzamuhu an yanam, wa innama al-maqsoud al-mukth. Naam. Et ça, on en a parlé. Quand tu entends Al-Mabid, mais Muzdalifa, ça ne veut pas dire que dormir, c'est une obligation. Là, ce n'est pas une obligation. Lakin, taqaddama wa'd al-tambihat. Cheikh Nathemin, il a cité une mas'ala dans son livre, Sharh al-Mumti' qal, Hal yushra' an yuhyi tilka al-layla bil-qira'a wa-dhikr wa-sala am sunnah an-nawm. Est-ce que la sunnah, c'est de lire le Coran, faire du dhikr, etc. ou c'est de dormir? قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه السنه النوم قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اضطجع حتى طلع الصبح. نعم c'est السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم l'a fait et que ذلك c'est une chose que tu auras besoin pour le lendemain. لأن la journée du 10 de الحجة أي le jour du عيد فأعمال الحاج sont كثير. Il a beaucoup d'a'mal à faire. Ce qu'on va détailler, incha'Allah ta'ala. قال وينطلق الحاج متوجها إلى منى لرمي جمرة العقبة. Donc, après الصبح, on va voir. Hadith Jabir, il va expliquer quand est-ce qu'il fait salat الصبح. نقرأ. قال وهو يلبي ولا يقطع التلبية حتى يشرع في الرمي. سيأتي معنا. Toute cette période là, depuis le 8, quand il est parti, il s'est mis en état d'ihram, la sunna au dhuhr, depuis ce moment jusqu'à maintenant, il est encore talbiya. Labbayk Allahumma labbayk. C'est toujours mashru' et c'est une sunna. An Jabir radiyallahu anhu قال wa salla al-fajr hina tabayyana lahu as-subh. Ay fi Muzdalifa. Qala bi adhan wa iqama. قال ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام. C'est un petit jabal, une petite colline في مزدلفة. Donc toute la nuit tu la passes في مزدلفة. ثم الفجر tu le fais à مزدلفة. En جماعة. ثم tu te diriges هذا الجبل. المشعر الحرام. سيأتي معنا لنون الجبل لأن المشعر الحرام يطلق كذلك على مزدلفة. قال فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. Donc jusqu'à que le soleil s'est levé et le soleil s'farra et il est devenu jaune. Ça montre que le soleil s'est bien levé. قال فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى. فنحن هذه سلوبي لا فدفع قبل حتى اسفر اي واقفا حتى اسفر اي le jour plutôt حتى le jour il s'est levé لان quand le jour il se lève تعلمون ان le jour il s'est levé et le soleil il n'est pas encore complètement il s'est pas levé encore في السماء فهي une différence فقوله واقفا حتى اسفر جدا اي le jour il s'est levé ثم dès que le jour il se lève il part avant que le soleil il se lève. قال فدفع قبل ان تطلع الشمس حتى اتى بطن محسر فحرك قليلا. اي quand il arrive à cet endroit بطن محسر il a activé le pas عليه الصلاة والسلام. بطن محسر قالوا هو واد بين مزدلفة ومنى. C'est un واد entre مزدلفة et منى. اسرع السير قليلا. لكن tous ces endroits الان ou que c'est une sunna de s'activer, de s'empresser, marcher plus vite. Fait le haqiqa, à notre époque, il y a ziham shadid. Celui qui peut, alhamdulillah, et celui qui ne peut pas, ala shakano il est ma'adour, et c'est une sunna, c'est pas obligatoire. Lakin, celui qui peut le faire, tayyib. Lakin, comme anabbaha shaykh mu'ataymin, il y a beaucoup de ziham l'an. Qala thumma salaka tariq al-wusta allati takhruj ala al-jamrat al-kubra. Donc, il quitte Muzdalifa. Et il se dirige Al-Jamrat al-Kubra, c'est où? C'est Amina. Il retourne Amina pour lancer les sept pierres fi Al-Jamra. قال الإمام النووي رحمة الله عليه مذهبنا أنه يستحب أن يقف بعد صلاة الصبح على قزح. قزح c'est le jabal fi Muzdalifa. C'est une sunna. قال ولا يزال واقفا يدعو حتى يسفر الصبح جدا. هنا il a détaillé ce qu'on a dit. يسفر الصبح. Donc avant que le soleil se lève. وبه قال ابن مسعود وابن عمر وابو حنيفة وجماهير العلماء. نعم سين السنة. قال ابن المنذر رحمة الله عليه وهو قول عامة العلماء غير مالك. نعم. Tous les savants ils ont cité cette sunna sauf l'imam Malik. قال فإنه كان يرى أن يدفع منه قبل الإسفار. نعم لكن الحديث il est واضح. L'imam Malik رحمة الله عليه il voyait que tu pars avant al-isfar, avant que le jour se lève. Et après le fajr. Qala dalilouna hadith Jabir al-Sabiq wa huwa al-Sahih. Hada, cette petite phrase, elle te résume comment faire quand il y a un khilaf veina ahl al-ilm. Ibn al-Mundir, il te montre qu'il y a un khilaf, qawl ammat al-ulama, il te montre que l'imam Malik, il a un qawl, il te montre que le dalil est wadih et c'est sahih. Tout en respectant la vie de l'imam Malik. rahmatullah alayhi. قال الشيخ الألباني رحمه الله عليه ومزدلفة كلها موقف فحيثما وقف فيها جاز أي نعم أي t'es pas obligé d'aller dans ce jabal قزح المشعر الحرام لا si tu peux طيب si tu sais passer où ou t'as pas le temps ou il y a du monde ou t'as un سبب من الأسباب ou que tu sois en مزدلفة tu fais le دعاء tu te mets en direction de قبلة حتى يصفر الصبح et tu pars en direction de Mina. تقدم معنا كثيرا لدليل حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف أي جمع مزدلفة. Donc à partir de maintenant t'es rentré الصبح la journée elle commence t'es rentré dans le dixième jour de Dhul-Hijjah et c'est un jour important جدا pour الحاج celui qui fait الحج Arafa et ce dixième jour. لأنه عرفة يا الحج عرفة يا ركن عظيم. كذلك ce dixième jour il y a des arcanes, al-tawaf etc. Enfin, c'est un jour muhim. Et ce jour il y a beaucoup d'a'mal. Parmi les a'mal que on va voir ce dixième jour, le premier c'est rami jamrat al-aqaba. أي الآن après مزدلفة, on a fait le subh, on attend que la journée, le jour il se lève. ثم on prend direction de Mina pour lancer les pierres في الجمرة جمرة العقبة. Après الجمرة on va voir النحر أو الذبح مهم sacrifice sacrifier une bête ثم se raser la tête et c'est أفضل أو diminuer لكن الأفضل se raser comme on a vu في العمرة ثم طواف الإفاضة après cette rasée الطواف et après le rasage on va voir que il devient halal. Tout lui est permis, il remet ses vêtements, etc. Sauf An-Nisa. Il n'a pas le droit d'avoir des rapports avec sa femme. Lakin, tout le reste c'est permis. Il peut mettre du parfum, il peut se raser les cheveux, etc. Thumma tawaf al-ifada. Donc, il revient à Mecca, Majid al-Haram, et il fait tawaf autour de Kaaba. Avec ses vêtements normaux. Il n'a plus al-izar ou al-rida. Thumma, il fait sa'i. Tout ça, les quatre, ça, tout ça, c'est a'mal, yawm al-nahr, yawm al-id. Donc, on répète, tu jettes les pierres Jamrat al-Aqaba, Rami Jamrat al-Aqaba, ensuite al-Nahr ou al-Dhabh, ensuite al-Halq ou al-Taqsir, ensuite al-Tawaf ou al-Sa'i. Et c'est ce qu'on va voir al-An. Amma al-Halq ou al-Tawaf ou al-Sa'i ou al-Nahr, tout ça, walillahi alhamd, on l'a vu. Al-Halq ou al-Taqsir ou al-Tawaf ou al-Sa'i, on l'a vu dans Durus al-Umra. Et ce qui est rapport avec Al-Nahr ou Al-Dabh, etc. On avait fait une kalima avec les frères quand on était à Dammaj, wallillahi alhamd, et on l'a propagé il y a un moment. Enfin, on ne détaillera pas, hein. On détaillera nous, surtout les moments, est-ce que tu peux faire celui-là avant celui-là, etc. Amma Ar-Rami, on va détailler les Al-Nahou, on l'a pas encore vu. Qala, thumma, salaka al-tariq al-wusta allati takhruj على الجمرة الكبرى وليس هناك موضع مخصوص للقط الحصى بل يلقط الحاج الحصى من حيث تيسر له. Premier tambih, tu vas en direction de, tu quittes Muzdalifa, tu vas pour Al-Amina pour lancer les cailloux fil Jamra. Il n'y a pas d'endroit précis pour prendre les cailloux. Wa'd al-Juhal, il pense que c'est mieux tel endroit, il faut des pierres, ou il faut les laver, ou il faut les parfumer. Tout ça, la Dalil Ali. Dès que tu arrives près de Al-Jamra, un endroit où il y a des cailloux, tu les prends, des cailloux, sayati ma'ana, d'une certaine taille, d'une petite taille, ou atarmi. قال بل يلقط الحاج الحصى من حيث تيسر له وإذا وصل إلى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات صغيرة مثل حصى الخدف. نعم. العلماء يقولون un peu plus que le hummus. أي des cailloux, معروف, des petits cailloux. الغلو في هذا وفي غير هذا سمذموم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو. Quand بعض الناس ils ont lancé des cailloux plus gros, النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو. وقال وبذلك فرموا. Il leur a montré des cailloux, des petits cailloux. قال الإمام النووي رحمة الله عليه فيه أن السنة للحاج إذا دفع من مزدلفة فوصل منها أن يبدأ بجمرة العقبة ولا يفعل شيئا قبل رميها ويكون ذلك قبل نزوله. Première chose que tu fais quand tu arrives à Mina, avant d'aller dans les tentes, etc., à Sunnah, tu vas directement et tu jettes les sept cailloux fi Jamrat al-Aqaba. فإذا وصل جمرة العقبة رماها بسبع حصيات صغيرة مثل حصى الخث ولا يجزئه الرمي بالأحجار الكبيرة أو بالنعال أو الجلود وغيرها لأن هذه عبادة توقيفية. Ces pierres que tu jettes, le nombre, cette fois, et le genre de pierres, des petites pierres, tout ça c'est une ibada. Donc tu n'as pas le droit de changer. Wahad il dit là, moi je veux pas jeter des pierres, je veux jeter autre chose. Mardoum il lance des ni'al, des bouts de tissu, des papiers écrits, des choses dessus. Tout ça c'est là. Kadalik, si Wahad il dit mathalan, moi je veux pas jeter que 7 fois, je veux rajouter, je veux jeter 10 fois. Là. La ibadatun tawqifiyya. On a un char, on a un avis, et il nous a démontré, khudu anni manasikakum, on fait comme lui. Mas'ala hukm rami jamrat al-aqaba. الآن الحكم أي الجوجمون دو سولون سيت بيير في جمرة العقبة ذهب جمهور العلماء إلى أنها واجبة وليست بركن هذا هو الصحيح سي واجب سي با ركن واستدلوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بمثل هؤلاء فرموا وقوله صلى الله عليه وسلم ارمي ولا حرج دونك النبي صلى الله عليه وسلم إلى أغدني دو لانسي دونك سي واجب فهو قول عامة العلماء ورجحه الإمام ابن باز والشيخ العثيمين رحم الله الجميع نعم منظر فتح العلام كتاب الحج إلى ديتاي هذه المسألة قال الإمام ابن المنذر رحمة الله عليه وأجمعوا على أنه إن رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنه يجزي نعم دونك C'est l'afdal, c'est fait duha, comme il a fait le Nabi alayhi salatu salam. Waqt al-duha, après le lever du soleil. Quand il va en direction de Mina, il va arriver au waqt al-duha et il lance les pierres, jamrat al-aqaba. Hada, c'est sunna. Lakin yujzi hatta le fajr de l'autre jour. Kama sayati ma'ana, si on n'oublie pas de faire at-tambih. On verra. Mas'alat les. Demain, inshallah, na'am, on verra hada. Aïe, le fait de faire passer à tawaf avant le halq, ou au taqsir, ou au sa'i avant al-rami. Aïe, les quatre a'mal qu'on a dit, al-rami, al-nahr, al-halq, al-tawaf, al-sa'i. On verra que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont demandé, quand il a fait le hajj, بعض sahaba, ils avaient fait précéder ce a'mal avant d'autres, et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, wala haraj. On verra cette mas'ala demain. Inch'Allah. Qala wa yukthir ma'a أو ويكبر مع كل حصى يرميها. Et ça, ça, ce passage il nous démontre un, comment tu fais. Tu jettes, donc tu as 7 pierres, tu jettes et chaque pierre quand tu jettes, tu kabbar. Tu dis Allahu Akbar. قال يرميها والوقت المختار لها الرمي هو الضحى. Ça c'est أفضل. قال وإذا تأخر إلى بعد الزوال أو إلى الليل أجزأه وخالف الأفضل. نعم. Si il retarde. Jusqu'au dhuhr ou jusqu'à la nuit. Naam, jusqu'au fajr et toute la nuit. S'il retarde jusqu'au fajr, ajza'ahu lakin ila khalif al-afdal. Wa idha waqa'at al-hasa kharij al-hawd, fa innahu yu'id ukhra badalaha. Ça c'est muhim. Ceux qui ont été au hajj, ils arrivent hada. An al-jamara, c'est comme un hawd. Un hawd, c'est comme un bassin en béton. Anta, tu dois tirer la pierre dans ce bassin. Si elle passe à côté, tu t'en rends compte, tu tires une autre à la place. La pierre, elle doit rentrer via al-hawd. قال وإذا شك الحاج في عدد ما رمى بنى على الأقل وزاد حصى فإذا شك هل رمي بخمس أو بست جعلها خمسا وهكذا. Et ça, c'est une قاعدة. Une قاعدة dans les عبادات où il y a un nombre. Si tu as un doute, tu te bases sur le nombre inférieur. La salat, t'as un doute. Est-ce que t'as fait 3 ou 4? Base 3 sur 3. Al-yaqin la yazul bishak. Al-wudu, min hadal bab. Al-tawaf, min hadal bab. On a expliqué. Al-sa'i, min hadal bab. Et les pierres, on a min hadal bab. Qal al-shaykh Abdelaziz bin Baz, rahmatullah alayhi, fi al-tahqiq wal-idah. C'est une risala mukhtasara fi manasik al-hajj wal-umrah. هي لنافعة قال يرفع يده عند رمي كل حصى ويكبر ويستحب أن يرميها من بطن الوادي ويجعل الكعبة عن يساره ومن عن يمينه. Ça c'est la position que tu dois avoir et c'est أفضل. Donc Al-Ka'ba, elle est à ta gauche, et Mina, c'est à ta droite. Et Al-Jamra, elle est en face de toi. Celui qui n'a pas fait le Hajj ou l'Umrah, il aura du mal à se repérer. Lakin hunak tas'al. Et tu verras que c'est évident. Quand tu arrives de Mina, tu demandes la direction de Mecca. Donc Mecca, ça sera à ta gauche, et Al-Ka'ba, Mina à ta droite, et Al-Jamra sera en face de toi. Qala li fi'li nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sayati ma'ana. On citera le délit. On le cite l'an. Fi sahihayn an Abdillah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. أنه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. Ça c'est Ibn Mas'ud, رضي الله عنه. Il s'est placé الكعبة à sa gauche et Mina à sa droite. ورمى من بطن الوادي. ثم il a lancé les pierres. من هذا المكان من بطن الوادي. وقال رضي الله عنه هذا المقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. Et c'est cet endroit où le prophète صلى il était. Il a fait comme ça. Et le prophète صلى qui a reçu سورة البقرة. قال الحافظ رحمة الله عليه في الفتح الأفضل الرمي من بطن الوادي ومن حيث رماها جاز نعم الأفضل هكذا cet endroit cette position لكن si il est الكعبة c'est l'inverse أو il est en face أو il est derrière من الجمرة etc tout ça c'est جائز هذا c'est مستحب cette position المهم c'est que la pierre elle, tu la mets dans هذا الحوض en la lançant et en disant Allahu Akbar. قال ابن قدامة رحمه الله عليه ولا يجزئه الرمي الا ان يقع الحصى في المرمى. المرمى c'est هذا الحوض. قال فان وقع دونه لم يجزئه. نعم. Si tu manques en tirant, tu tires pas dans cet endroit qui est fait pour al-jamra, tu relances une pierre à la place. فلي هذا si tu as compris هذا, tu prends plus que cette pierre معك. L'essentiel, c'est que cette pierre, elle arrive dans l'endroit qu'il faut. Lakin, si tu prends une dizaine de pierres au plus, fahada tayyib. Hatta si t'as un manque, t'as une pierre. Léana ta'alamoun, hunak, khasatan ayyam al-hajj, ziham shadid. Et si tu viens à chercher une pierre à ce moment, rubbama tata'ad. Enfin, tu prends plusieurs pierres avec toi, plus que sept. Hatta si t'as eu un manque, ou t'en as perdu, ou t'en as fait tomber, t'as toujours des pierres, ma'ak. Et si tu trouves pas, tu recules un peu, hatta t'as des pierres et t'as remis. Et il n'y a aucun mal de prendre une pierre que Wahad il avait, la shayfi. قال وبه قال أصحاب الرأي ولا نعلم فيه خلاف. هذا الكلام من المغني. قال الشيخ ابن عثيمين un dernier tambih في شرح الممتع. قال قوله رماها بسبع حصيات. قال قد يفهم منه أنه لابد أن يرمي الشاخص أي العمود القائم. Al-Jamra, c'est comme un bassin en béton, un cercle hakada en béton, et au milieu il y a un amoud, il y a un pilier. Ba'd an-nas, il pense qu'obligatoirement la pierre il doit toucher hada al-amoud, ce pilier. Et hada c'est un khata. Et hada c'est une cause de ziham. Il y en a ba'duhum, celui qui a été, il a vu hada. Il y en a ba'duhum, rubbama, il tire des dizaines de pierres pour toucher al-amoud. Dès qu'il touche, il compte une. Hada c'est un khata. L'essentiel c'est qu'elle arrive fil hawd. C'est une cause qu'il y a de la bousculade. Il y en a un, au lieu de passer 2 minutes, 3 minutes pour jeter les pierres, Robama, il reste une demi-heure. Et là, je sais que ça fait la bousculade. Bisabab hada. قال ولكنه غير مراد بل المقصود أن يقع الحصى في الحوض سواء ضربت العمود أم لم تضربه. C'est ça, al-sawab. Et on fait attention هنا à ne pas faire mal à ses frères musulmans. وبعضهم اولا يبخن دي c'est pas des pierres qu'il prend, ربما c'est un rocher et il fait du mal. بعضهم il tape son frère au lieu de viser le haud, il tape son frère لانه il est بعيد. فاخي الكريم الهدوء والسكينه, premièrement le calme, tu te rapproches, hatta tu fais pas de mal. Si tu es loin, ربما tu tires sur un de tes frères, tu te rapproches et الهدوء الله اكبر jusqu'à que tu finis. هذا et des pierres. فلا حاجه بعض الجهال كذلك يبانس que الشيطان il est هناك. Enfin, il veut tirer des choses pour faire du mal à الشيطان. بعضهم des couteaux, بعضهم. Ah, là, tout ça c'est من الجهل. C'est une عبادة. C'est une عبادة. قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. Ce qui s'est passé, c'est la cause. Ou nous on fait ça par rapport à ce qui s'est passé. لكن المقصود هنا c'est العبادة. C'est العبادة. نحن on fait هكذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم nous a dit de faire هكذا. نعم اما الشيطان si tu veux le harb fais suivre le prophète عليه الصلاة والسلام, écarte-toi du shirk, écarte-toi des bid'a. écarte-toi des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne te rapproche pas des alliés d'Iblis. Hakada tu harb Iblis, bid-dikr, bid-du'a, bil-ikhlas, bil-ibada. Tout ça, inshallah, tu feras du mal à Iblis. Et qu'il y a des shaitan, il est daïf. Amma ba'd al-juhal, il pense qu'en lançant certains trucs, il fera du mal à Iblis. Hada, c'est min al-jahal. Dahab al-waqt naktafi bihada. Inch'Allah, il ne reste pas beaucoup. Le dars de demain, on essaye de finir. Wa ma avon. Demain, on est jeudi. Naam, le khamis. Inch'Allah, demain, on fait dars. Et bil munasaba al-afu, la semaine dernière, mastata'na. J'avais dit qu'on ferait, si on pouvait, le khamis, jeudi, lakin on ne l'a pas fait. Et Inch'Allah, demain, on fera l'yana. Il faut qu'on finisse l'an, baqi qali. Et l'haqiqa, il reste un peu. Amma al-a'mal, qu'on va voir l'an, al-tawaf, etc. On l'a tout vu. Enfin, on citera certaines masaïles qu'on n'a pas vues. Thomas, il manquera les trois derniers jours à Mina. Et ça sera Ramil Jamarat, ce qu'on a cité l'un. Enfin, Inch'Allah, si on peut finir demain, tamam. On est jeudi, si on peut finir demain, tamam. Le 8 de Dhul Hijjah, c'est bientôt. Si l'Eid c'est jeudi, mercredi 9, le 8 c'est mardi. Enfin, Inch'Allah, si on finit demain, tamam. Ou si on finit pas demain. On verra si on peut faire dars vendredi, ou samedi, ou lundi. Alors, s'il manque un dars, fa l'amr, sahl. Hayyakum Allah wa barakallahu fikum. Man indahu shay, yatfaddal, ou naqif, huna. Ma'a tahiyyati dammaj, affaire.com. Wa la tarkanu ila alladhina zalamu, fatamassakum nar. Al-hadar min ar-rukun ila al-zalama, min shi'ah, ou hizbiyyin. لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين.